Thanks, King of Kings. Hola, Jesus. Merci, Señor Dio. Precio ma tutti in colo mancolo. Cosa che ti l'ha? Zambio a Banzami. Quanto che la lessa. Accenti mungo, Baba. Ehi, Zambe tu kumisiyo Katina boli ngolo Kila katina ngolo na yo Uzo lakina biso elongo Tu kumisiyo ngolo Zambe na bo Zambe na bo Masiya Yesu Masiya Yesu Kupesi vino merci Interchurch International USA Bon assistance na bino Eba instrument Groupe Nabino. Tout petit merci. Pas soliste Nabisso, accompagnateur, bassiste, groomer. Oh, Coco Nabisso, yo Simba qui va s'aider pour la zone selon le double. Oh, Chichi Moto, monsieur Marcy Mingi, pour la double, la Yoana. Pour que le monde soit bête à Kakuleta Awa. Vous en êtes groupe, nous sommes tous les qui pensent pour la moussala, pour la moussala. Zambé, Vous allez comme Kabusala, parce que vous ne pas là, vous êtes sur la sponsor, vous êtes sur la mission. Mr. Peter Alam, pour l'Australie. Rebecca Johnson, Washington DC. Papa Pambola Bango. Nous sommes tous les qui pensent pour la Moussala. Vous sanité, studio, Swift studio. Sydney, Australie. Swift 2. New York. Papa. Masia nangana pesa yo matoni nangani niyo pona bolingo pona makila yo sopela kinga Yesuwe. Koral nangana bosa nite. Baumbula enyoso. Basali abima onkolo. Oh, kolo Yesu. Pambula basali na abima. Pour la pasteur, nous avons mis tout ça qui pour la consommation de la prière. Pour la bandeco, ma frère en Christ, ma frère en Christ, ma lègue, ma voisin, ma collègue, frère Hassani, et mec, nous sommes les gars, pour la soumission de la consommation de la prière. Poutou, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les Zambé nangala singe papa eh pour le yo le bakete koyemba la par la mibale Yesu mwinda la bomoy Yesu mwinda la bomoy nomo komo lisa 3 étoiles tata okile kobenga yo zali nzambe so la kate Yesu ya se kwate Olo, nous sommes tous limités, Yesu Yosan a bon moyen solo. Merci à Yesu. Mokile ko chola ko finga. Soki chola ki bako kona biso akala. Soki mokile, c'est kaki, to e finga ki on Yesu mwana na nzambe. Biso pe bako chola biso ke to e mko yemba te. Parce que si mikuma nyo sobo bele pa na yo, po te zale ko meka. Toi, si Mandela m'a també na yo, yo la kisabison zela. Disciple bienvenu, yo lo vini ni tiabison ali bondelie, kola sunga biso. Disciple kasambi kule Israel, yo lo vini ni yayananga. Lekinanga da vingi mbi yo lo vini. petit mikangimbie. Oh, kolo, kolo. Toki mali sou wapi. Tuzana esika moko te otu kokimo. Babeli o baza katena barea. Banze la kuboto katena wampasi. Bapesi, itema na bango bubele epai na yo. Bamboka nyoso katena wampasi. Oh RDC, kolo. Kongona yo papa suga yango. Lobali loba moko. Zimbabwe e baleli. Bale katena mpasi. Masia mwana nzambe. Kolo nzambe na bomo. Bambola bambola. Peti kazadi, aleli yo. Jesaya Jacob aleluya papa ndanga kabuse Susana Moza Kristo Isa aleluya Mama ilungangi bi aleluya uzamela boko ye Papa, tu es habité. Toi, comment?